Voici de larges extraits d'Hamlet, drame écrit par William Shakespeare en 1601, d'après la traduction de l'anglais par François Victor Hugo. Ce drame se déroule dans le château royal à Elsener, au Danemark. Le fantôme d'Hamlet, roi défunt du Danemark, a été aperçu par des gardes sur une plateforme de ce château, tandis que le neveu du roi de Norvège vient réclamer pour son oncle les terres que ce roi défunt lui avait enlevées. Claudius, 2 mois après la mort de son frère Hamlet, est devenu le roi du Danemark et il a épousé la reine Gertrude, veuve du roi défunt. Hamlet, fils du roi du défunt, du même nom, vient d'être sollicité par sa mère Gertrude et Claudius, son oncle, le nouveau roi, pour qu'il ne quitte pas le Danemark.